this is a drummer. Thank you. Arrête, il est super beau mon son. À toi, vas-y, allez, joue. Partage mon gars, partage. Cool mec. Arrête de te bloquer. La vie est trop courte mon gars. Ces stars là qui se prêtent pour des. Putain. Putain, mais va jouer dans un studio au lieu de casser les couilles. Good night in France. It's Thank you. Aïe. I like this. Dauphin. Voice of Enigma. Thank you. Thank you. essaye une basse. Avec un câble Ethernet, ça coupe. C'est pas normal, c'est l'ordinateur. J'ai mis un câble Ethernet sur mon truc, mais je pense que c'est, c'est l'ordinateur qui est naze. Ça va mieux, mais... Je vais me boire un petit café, moi. Excuse.